Tu veux boire quelque chose? Je t'invite. D'accord. Tiens, je t'ai pris une margarita. Désolée, je ne bois pas d'alcool.